بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. Donc محمد بن إسحاق a cité dans ceux qui ont fait hijra vers al-Habasha Abu Musa al-Ash'ari, dont le nom est Abdullah ibn Qais. Abu Musa, c'est Abdullah ibn Qais. Et je ne sais pas ce qui l'a poussé à ça. Car ça, c'est une chose claire que n'ignorent pas ceux qui sont en dessous de lui dans la science de, dans cette science-là qui est la science des Marazi, c'est-à-dire de l'histoire prophétique et des batailles qui ont eu lieu. Et Mohamed ibn Ishaq, c'est Ibn Yasar al-Madani Abu Bakr al-Qurashi al-Muttalibi Maulahum. Imam al-Marazi, c'est un imam dans l'histoire. Et Ibn Hajar dit dans Taqrib al-Tahdim qu'il est Saduq Yudallis, c'est-à-dire son hadith est Hassan et il est Mudallis. Et il a dit Rumiya bit tashayyu' wal qadar. Il a été accusé de tashayyu', qui est la bid'a des shi'a, et du qadar, c'est-à-dire de nier le qadar. Et la foi dans le qadar, dans le destin, elle englobe quatre choses. De croire que Allah Azzawajal sait tout ce qui va arriver avant que ça arrive. Allah Azzawajal sait ce qui est arrivé, ce qui va arriver, et qu'est-ce qui se serait passé si telle chose n'était pas arrivée. Ça également, ça rentre dans la science d'Allah Azzawajal. Comme Allah Azzawajal dit, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Et s'ils revenaient, c'est-à-dire à cette terre, pour les kuffars, s'ils revenaient à la vie présente, ils reviendraient à ce qui leur a été interdit, et ce sont certes des menteurs. C'est-à-dire Allah Azzawajal sait que lorsqu'ils prétendent revenir et faire le bien, que s'ils revenaient, ils feraient la même chose qu'ils faisaient auparavant. Et ce sont des menteurs. Et quelqu'un qui nie ça, il sort de l'islam. Quelqu'un qui nie ça, ce point-là de la foi dans le qadar, il sort de l'islam. Celui qui dit sur une chose qui est arrivée que Allah Azzawajal ne savait pas que ça allait arriver. Ça, c'est très très grave. Et c'est du kufr. Le deuxième point, c'est al-kitaba, l'écriture. Le fait que Allah Azzawajal a ordonné au qalam d'écrire tout ce qui va arriver jusqu'au jour du jugement, 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, c'est al-mashi'a. Que tout ce qui arrive est par la volonté d'Allah Azzawajal, de sa mashi'a. Allah Azzawajal dit: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. Et la mashi'a, cette volonté, en arabe al-mashi'a, c'est al-irada al-kawniya. Al-irada, elle est de deux sortes. La volonté d'Allah Azzawajal, elle est kawniya et shara'iya. La volonté légiférée, al-irada shara'iya, c'est ce qu'Allah Azzawajal aime et agrée. Et il se peut que ça arrive, et il se peut que ça n'arrive pas. Quant à Al-Irada Al-Kawniya, la volonté universelle, c'est ce qu'Allah veut et qui se produit. Et il se peut de cette volonté que ce soit une chose que Allah n'agrée pas, et n'aime pas. Mais rien de ce qui arrive dans la création d'Allah Azzawajal n'arrive sans sa volonté. Donc ça arrive de cette volonté-là, qui est Al-Irada Al-Kawniya, qui est Al-Mashi'a. La volonté universelle. Quant à ce qu'il aime et agrée et qu'il veut, ça c'est al-irada al-shar'iyya, la volonté légiférée. Allah Azzawajal dit, yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc quoi que ce soit qui arrive, de bien et de mal, Allah Azzawajal l'a voulu. Donc ça fait partie de la foi du qadar, qui est, je le rappelle, un des six piliers de la foi, le qadar, de croire dans le destin, bon ou mauvais. Et cette foi dans le qadar, ça englobe ces quatre choses. Donc ça fait un petit rappel sur ce sujet. Et le quatrième point, c'est al-khalq, que Allah Azzawajal crée tout ce qui arrive. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et al-waqidi et d'autres parmi les gens d'al-Marazi, les savants d'al-Marazi, ont nié ça. Et al-waqidi, c'est quelqu'un que on voit souvent dans les livres de biographie et d'histoire islamique. Et c'est Mohammed ibn Omar Al-Madani, Abu Abdillah, et c'est un kaddab, c'est un menteur, et il revient très souvent dans les livres d'histoire. Donc il incombe de connaître sa situation et que c'est un menteur. L'imam Ahmed et l'imam Al-Nasa'i ont dit de lui menteur, que c'est un kaddab. Et l'imam Ali ibn al-Madini a dit, en parlant d'un autre rapporteur, Ibrahim ibn Abi Yahya Kaddab, wa huwa 'indi ahsanu halan min al-waqidi. Il a parlé d'un en disant que c'est un menteur, et il a dit sa situation est meilleure que al-waqidi. L'imam al-Bukhari a dit matrouk, il est délaissé. Ibn Hajar a dit matrouk ma sa'ati 'ilmi. Il est délaissé malgré sa grande science. Et ils ont dit que Abu Musa, il a fait la hijra du Yémen à Al-Habasha vers Ja'far ibn Abi Talib. Donc il fait pas partie de ceux qui ont fait la hijra en premier. Comme c'est venu clairement dans le Sahih d'après lui-même. Donc l'imam Al-Kathir, il dit comment ça a pu échapper à l'imam Mohammed ibn Ishaq, qui est un imam dans les Marazi et l'histoire islamique. Et ça, c'est justement le fait que nous, les êtres humains, on n'est pas infaillibles. Seuls les prophètes et les messagers sont infaillibles. Et le hadith est dans Sahih al-Bukhari qu'Abu Musa al-Ash'ari a dit qu'il nous est parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti, c'est-à-dire avait fait la hijra, alors que nous étions au Yémen. Et nous avons pris le bateau et nous sommes partis à Al-Habasha vers Al-Najashi. Et nous avons trouvé Ja'far ibn Abi Talib. Nous restâmes avec lui et nous rejoignâmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il conquit Khaybar. Et ça a été en l'an 7. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Lakum antum ya al safinati hijratan » Vous avez, vous, aux gens du bateau, deux hijras. C'est-à-dire, ils sont partis à Al-Habasha et ils sont partis à Al-Madina. L'imam Ahmed rapporte d'après Mohammed ibn Hatib. Donc Hatib, on a vu précédemment qu'il fait partie des premiers à être parti à Al-Habasha. Il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inni qad ra'aytu ardan dhat nakhl fakhruju » J'ai vu, c'est-à-dire en rêve, une terre avec des palmiers. Alors sortez. Et il dit, Hatib, donc son père, et Ja'far ibn Abi Talib ont pris la mer vers Al-Najashi, vers Al-Habasha. Et il dit, je suis né, moi, sur ce bateau-là. Et Cheikh Mourbil, rahimahullah, rapporte le hadith dans le Sahih al-Musnad. Et il l'authentifie. Et la terre de palmiers, c'est Al-Madina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.